Section 14. Quatrième partie, livre cinquième. Suite. 4 et 5 juin. En passant la limite qui sépare le territoire de Sarrebruck à celui de Forbach, la France ne s'est pas montrée à moi d'une manière brillante. D'abord un cul-de-jatte, puis un autre homme qui rampait sur les mains et sur les genoux, traînant après lui ses jambes comme deux queues torses ou deux serpents morts. Ensuite on parut dans une charrette deux vieilles, noires, ridées, avant-garde des femmes françaises. Il y avait de quoi faire rebrousser chemin à l'armée prussienne. Mais après, j'ai trouvé un beau jeune soldat à pied avec une jeune fille. Le soldat poussait devant lui la brouette de la jeune fille, et celle-ci portait la pipe et le sabre du troupier. Plus loin, une autre jeune fille tenant le manche d'une charrue et un laboureur âgé piquant les bœufs. Plus loin, un vieillard mendiant pour un enfant aveugle. Plus loin, une croix. Dans un hameau, une douzaine de têtes d'enfants, à la fenêtre d'une maison non achevée, ressemblaient à un groupe d'anges dans une gloire. Voici une garçonnette, de 5 à 6 ans, assise sur le seuil de la porte d'une chaumière, tête nue, cheveux blonds, visage barbouillé, faisant une petite mine à cause d'un vent froid, ses deux épaules blanches sortant d'une robe déchirée, les bras croisés sur ses genoux, haussés et rapprochés de sa poitrine, regardant ce qui se passait autour d'elle avec la curiosité d'un oiseau. Raphaël l'aurait croquée, moi, j'avais envie de la voler à sa mère. À l'entrée de Forbach, un groupe de chiens savants se présente, les deux plus gros, attelés au fourgon des costumes, 5 ou 6 autres de différentes queues, museaux, tailles et pelages, suivent le bagage, chacun son morceau de pain à la gueule. Deux graves instructeurs, l'un portant un gros tambour, l'autre ne portant rien, guident la bande. Allez, mes amis, faites le tour de la terre comme moi, afin d'apprendre à connaître les peuples. Vous tenez tout aussi bien votre place dans le monde que moi. Vous valez bien les chiens de mon espèce. Présentez la patte à Diane, à Mirza, à Pax. Chapeau sur l'oreille, épée au côté, la queue en trompette entre les deux basques de votre habit. Dansez pour un os ou pour un coup de pied, comme nous faisons nous autres hommes. Mais n'allez pas vous tromper en sautant pour le roi. Lecteur, supportez ces arabesques. La main qui les dessina ne vous fera jamais d'autre mal. Elle est séchée. Souvenez-vous, quand vous les verrez, qu'ils ne sont que les capricieux enroulements tracés par un peintre à la voûte de son tombeau. À la douane, un vieux cadet de commis a fait semblant de visiter ma calèche. J'avais préparé une pièce de 100 sous. Il la voyait dans ma main, mais il n'osait la prendre à cause des chefs qui le surveillaient. Il a ôté sa casquette sous prétexte de me mieux fouiller, l'a posée sur le coussin devant moi, me disant tout bas « Dans ma casquette, s'il vous plaît ». Oh, le grand mot! Il renferme l'histoire du genre humain. Que de fois la liberté, la fidélité, l'amitié, le dévouement, l'amour, on dit, dans ma casquette, s'il vous plaît. Je donnerai ce mot à Béranger pour le refrain d'une chanson. Je fus frappé en entrant à Metz d'une chose que je n'avais pas remarquée en 1821. Les fortifications à la moderne enveloppent les fortifications à la gothique. Guise et Vauban sont deux noms bien associés. Nos ans et nos souvenirs sont étendus en couches régulières et parallèles à différentes profondeurs de notre vie, déposés par les flots du temps qui passent successivement sur nous. C'est de Metz que sortit en 1792 la colonne engagée sous Thionville avec notre petit corps d'émigrés. J'arrive de mon pèlerinage à la retraite du prince banni que je servais dans son premier exil. Je lui donnais alors un peu de mon sang. Je viens de pleurer auprès de lui. À mon âge, on n'a guère plus que des larmes. En 1821, M. de Tocqueville, beau-frère de mon frère, était préfet de la Moselle. Les arbres, gros comme des échalas, que M. de Tocqueville plantait en 1820 à la porte de Metz, donnent maintenant de l'ombre. Voilà une échelle à mesurer nos jours. Mais l'homme n'est pas comme le vin, il ne s'améliore pas, en comptant par feuilles. Les anciens faisaient infuser des roses dans le falerne. Lorsqu'on débouchait une amphore d'un consulat séculaire, elle embaumait le festin. La plus pure intelligence se mêlait à de vieux ans, que personne ne serait tenté de s'enivrer avec elle. Je n'avais pas été un quart d'heure dans l'auberge à Metz que voici venir Baptiste en grande agitation. Il tire mystérieusement de sa poche un papier blanc dans lequel était enveloppé un cachet. Monsieur le duc de Bordeaux et mademoiselle l'avaient chargé de ce cachet, lui recommandant de ne me le donner que sur terre de France. Ils avaient été bien inquiets toute la nuit avant mon départ, craignant que le bijoutier n'eût pas le temps d'achever l'ouvrage. Le cachet a trois faces. Sur l'une est gravée une encre. Sur la seconde, les deux mots que Henri m'avait dit lors de notre première entrevue. Oui, toujours. Sur la troisième, la date de mon arrivée à Prague. Le frère et la sœur me priaient de porter le cachet pour l'amour d'eux. Le mystère de ce présent, l'ordre des deux enfants exilés de ne me remettre le témoignage de leurs souvenirs que sur terre de France, remplirent mes yeux de larmes. Le cachet ne me quittera jamais. Je le porterai pour l'amour de Louise et de Henri. J'eusse aimé avoir à Metz la maison de Faber, soldat devenu maréchal de France et qui refusa le collier des ordres, sa noblesse ne remontant qu'à son épée. Les barbares, nos pères, égorgèrent à Metz les Romains surpris au milieu des débauches d'une fête. Nos soldats ont valsé au monastère d'Alcobaça avec le squelette d'Ignès de Castro. Les malheurs et plaisirs, crimes et folies, 14 siècles vous séparent et vous êtes aussi complètement passés les uns que les autres. L'éternité commencée tout à l'heure est aussi ancienne que l'éternité datée de la première mort, du meurtre d'Abel. Néanmoins, les hommes, durant leur apparition éphémère sur ce globe, se persuadent qu'ils laissent d'eux quelques traces. Et, bon Dieu, oui, chaque mouche a son ombre. Parti de Metz, j'ai traversé Verdun, où je fus si malheureux, où demeure aujourd'hui l'ami solitaire de Carrel. J'ai côtoyé les hauteurs de Valmy. Je n'en veux pas plus parler que de Gemappe. J'aurais peur d'y trouver une couronne. Chalon m'a rappelé une grande faiblesse de Bonaparte. Il y exila la beauté. Paix à Chalon qui me dit que j'ai encore des amis. À Château-Thierry, j'ai trouvé mon Dieu, La Fontaine. C'était l'heure du salut. La femme de Jean n'y était plus, et Jean était retourné chez Madame de la Sablière. En rasant le mur de la cathédrale de Meaux, j'ai répété à Bossuet ces paroles. L'homme arrive au tombeau, traînant après lui la longue chaîne de ses espérances trompées. À Paris, j'ai passé les quartiers habités par moi, avec mes sœurs, dans ma jeunesse, ensuite le palais de justice, remémoratif de mon jugement, ensuite la préfecture de police qui me servit de prison. Je suis enfin rentré dans mon hospice en dévidant ainsi le fil de mes jours. Le fragile insecte des bergeries descend au bout d'une soie vers la terre où le pied d'une brebis va l'écraser. Paris, rue d'Enfer, 6 juin 1833. En descendant de voiture et avant de me coucher, j'écrivis une lettre à Madame la Duchesse de Berry pour lui rendre compte de ma mission. Mon retour avait mis la police en émoi. Le télégraphe l'annonça au préfet de Bordeaux et au commandant de la forteresse de Blaye. On eut ordre de redoubler de surveillance. Il paraît même qu'on fit embarquer Madame avant le jour fixé pour son départ. Ma lettre manqua Son Altesse Royale de quelques heures et lui fut portée en Italie. Si Madame n'eut point fait de déclaration, si même après cette déclaration elle en eût nié les suites, bien plus si, arrivée en Sicile, elle eût protesté contre le rôle qu'elle avait été contrainte de jouer pour échapper à ses geôliers, la France et l'Europe auraient cru son dire, tant le gouvernement de Philippe était suspect. Tous les Judas auraient subi la punition du spectacle qu'ils avaient donné au monde dans la tabagie de Blaye. Mais Madame n'avait pas voulu conserver un caractère politique en niant son mariage. Ce qu'on gagne par le mensonge en réputation d'habileté, on le perd en considération. L'ancienne sincérité que vous avez pu professer vous défend à peine. Qu'un homme estimé du public s'avilisse, il n'est plus à l'abri dans son nom, mais derrière son nom. Madame, par son aveu, s'est échappée des ténèbres de sa prison. L'aigle femelle, comme l'aigle mâle, a besoin de liberté et de soleil. Monsieur le duc de Blacas, à Prague, m'avait annoncé la formation d'un conseil dont je devais être le chef, avec monsieur le chancelier et monsieur le marquis de la Tour Maubourg. J'allais devenir seul, toujours selon monsieur le duc, le conseil de Charles X, absent pour quelques affaires. On me montra un plan. La machine était fort compliquée. Le travail de monsieur de Blacas conservait quelques dispositions faites par la duchesse de Berry lorsque de son côté elle avait prétendu organiser l'État en venant follement mais bravement se mettre à la tête de son royaume in partibus. Les idées de cette femme aventureuse ne manquaient point de bon sens. Elle avait divisé la France en 4 grands gouvernements militaires, désigné les chefs, nommé les officiers, enrégimenter les soldats, et sans s'embarrasser si tout son monde était au drapeau, elle était elle-même accourue pour le porter. Elle ne doutait point de trouver au champ la chape de Saint-Martin ou l'Oriflamme, Galaor ou Bayard. Coups de hache d'armes et balles de mousqueton, retraite dans les forêts, périls au foyer de quelques amis fidèles, cavernes, châteaux, chaumières, escalades, tout cela allait et plaisait à madame. Il y a dans son caractère quelque chose de bizarre, d'original et d'entraînant qui la fera vivre. L'avenir la prendra à son gré, en dépit des personnes correctes et des sages couards. J'aurais porté au Bourbon, s'il m'avait appelé, la popularité dont je jouissais au double titre d'écrivain et d'homme d'État. Il m'était impossible de douter de cette popularité, car j'avais reçu les confidences de toutes les opinions. On ne s'en était pas tenu à des généralités. Chacun m'avait désigné ce qu'il désirait en cas d'événement. Plusieurs m'avaient confessé leur génie et fait toucher au doigt et à l'œil la place à laquelle ils étaient éminemment propres. Tout le monde, amis et ennemis, m'envoyait auprès du duc de Bordeaux. Par les différentes combinaisons de mes opinions et de mes fortunes, par les ravages de la mort qui avaient enlevé successivement les hommes de ma génération, je semblais être resté le seul au choix de la famille royale. Je pouvais être tenté du rôle qu'on m'assignait. Il y avait de quoi flatter ma vanité dans l'idée d'être, moi, serviteur inconnu et rejeté des Bourbons, d'être l'appui de leur race, de tendre la main dans leur tombeau à Philippe Auguste, à Saint-Louis, Charles V, Louis XII, François Ier, Henri IV, Louis XIV, de protéger de ma faible renommée le sang, la couronne et les ombres de tant de grands hommes, moi seul contre la France infidèle et l'Europe avilie. Mais pour arriver là, qu'aurait-il fallu faire? Ce que l'esprit le plus commun eût fait, caresser la cour de Prague, vaincre ses antipathies, lui cacher mes idées jusqu'à ce que je fusse à même de les développer. Et certes, ces idées allaient loin. Si j'avais été gouverneur du jeune prince, je me serais efforcé de gagner sa confiance. Que s'il eût recouvré sa couronne, je ne lui aurais conseillé de la porter que pour la déposer au temps venu. J'eusse voulu voir les Capets disparaître d'une façon digne de leur grandeur. Quel beau, quel illustre jour que celui où, après avoir relevé la religion, perfectionné la constitution de l'État, élargi les droits des citoyens, rompu les derniers liens de la presse, émancipé les communes, détruit le monopole, balancé équitablement le salaire avec le travail, raffermi la propriété en contenant les abus, ranimé l'industrie, diminué l'impôt, rétabli notre honneur chez les peuples, et assurer par des frontières reculées notre indépendance contre l'étranger. Quel beau jour que celui-là où, après toutes ces choses accomplies, mon élève eût dit à la nation solennellement convoquée « Français, votre éducation est finie avec la mienne. Mon premier aïeul, Robert le Fort, mourut pour vous, et mon père a demandé grâce pour l'homme qui lui arracha la vie. Mes ancêtres ont élevé et formé la France à travers la barbarie. Maintenant, la marche en avant, le progrès de la civilisation ne permettent plus que vous ayez un tuteur. Je descends du trône, je confirme tous les bienfaits de mes pères en vous déliant de vos serments à la monarchie. Dites si cette fin n'aurait pas surpassé ce qu'il y a de plus merveilleux dans cette race. Dites si jamais temple assez magnifique aurait pu être élevé à sa mémoire. Comparez-la, cette fin, à celle que feraient les fils décrépits de Henri IV. Accroché obstinément à un trône submergé dans la démocratie, essayant de conserver le pouvoir à l'aide des mesures de police, des moyens de violence, des voies de corruption, et traînant quelques instants une existence dégradée. Qu'on fasse mon frère roi, disait Louis XIII, enfant, après la mort de Henri IV, moi je ne veux pas être roi. Henri V n'a d'autre frère que son peuple, qu'il le fasse roi. Pour arriver à cette résolution, toute chimérique qu'elle semble, il faudrait sentir la grandeur de sa race, non parce qu'on est descendu d'un vieux sang, mais parce qu'on est l'héritier d'hommes par qui la France fut puissante, éclairée et civilisée. Or, je viens de le dire tout à l'heure, le moyen d'être appelé à mettre la main à ce plan eût été de cajoler les faiblesses de Prague, d'élever des pies grièches avec l'enfant du trône à l'imitation de Luynes, de flatter Concini à l'instar de Richelieu. J'avais bien commencé à Carlsbad. Un petit bulletin de soumission et de commérage aurait avancé mes affaires. M'enterrer tout vivant à Prague, il est vrai, n'était pas facile, car non seulement j'avais à vaincre les répugnances de la famille royale, mais encore la haine de l'étranger. Mes idées sont odieuses au cabinet. Ils savent que je déteste les traités de Vienne, que je ferai la guerre à tout prix pour donner à la France des frontières nécessaires et pour établir en Europe l'équilibre des puissances. Cependant, avec des marques de repentir, en pleurant, en expiant mes péchés d'honneur national, en me frappant la poitrine, en admirant pour pénitence le génie des sots qui gouverne le monde, peut-être aurais-je pu ramper jusqu'à la place du baron de Damas, puis, me redressant tout à coup, j'aurais jeté mes béquilles. Mais hélas, mon ambition, où est-elle? Ma faculté de dissimuler, où est-elle? Mon art de supporter la contrainte et l'ennui, où est-il? Mon moyen d'attacher de l'importance à quoi que ce soit, où est-il? Je pris deux ou trois fois la plume, je commençai deux ou trois brouillons menteurs pour obéir à Madame la Dauphine, qui m'avait ordonné de lui écrire. Bientôt révoltée contre moi, j'écrivis d'un trait, en suivant mon allure, la lettre qui devait me casser le cou. Je le savais très bien, j'en pesais très bien les résultats. Peu importait. Aujourd'hui même que la chose est faite, je suis ravie d'avoir envoyé le tout au diable et jeté mon gouvernat par une aussi large fenêtre. On me dira, ne pouviez-vous exprimer les mêmes vérités en les énonçant avec moins de crudité? Oui, oui, en délayant, tournoyant, en miellant, chevrotant, tremblotant. Son œil pénitent ne pleure qu'au bénite. Je ne sais pas cela. Voici la lettre, abrégée cependant de près de moitié, qui fera hérisser le poil de nos diplomates de salon. Le duc de Choiseul avait eu un peu de mon humeur. Aussi a-t-il passé la fin de sa faim à Chanteloup. Paris, rue d'Enfer, 30 juin 1833. Madame, les moments les plus précieux de ma longue carrière sont ceux que Madame la Dauphine m'a permis de passer auprès d'elle. C'est dans une obscure maison de Carlsbad qu'une princesse, objet de la vénération universelle, a daigné me parler avec confiance. Au fond de son âme, le ciel a déposé un trésor de magnanimité et de religion que les prodigalités du malheur n'ont pu tarir. J'avais devant moi la fille de Louis XVI, de nouveau exilée, cette orpheline du temple que le roi martyr avait pressée sur son cœur avant d'aller cueillir la palme. Dieu est le seul nom que l'on puisse prononcer quand on vient à s'abîmer dans la contemplation des impénétrables conseils de sa providence. L'éloge est suspect quand il s'adresse à la prospérité. Avec la dauphine, l'admiration est à l'aise. Je l'ai dit, madame, vos malheurs sont montés si haut qu'ils sont devenus une des gloires de la Révolution. J'aurais donc rencontré une fois dans ma vie des destinées assez supérieures, assez à part, pour leur dire sans crainte de les blesser ou de n'être pas compris ce que je pense de l'état futur de la société. On peut causer avec vous du sort des empires, vous qui verriez passer sans les regretter, au pied de votre vertu, tous ces royaumes de la terre dont plusieurs se sont déjà écoulés au pied de votre race. Les catastrophes qui vous firent leurs plus illustres témoins et leurs plus sublimes victimes, toutes grandes qu'elles paraissent, ne sont néanmoins que les accidents particuliers de la transformation générale qui s'opère dans l'espèce humaine. Le règne de Napoléon, par qui le monde a été ébranlé, n'est qu'un anneau de la chaîne révolutionnaire. Il faut partir de cette vérité pour comprendre ce qu'il y a de possible dans une troisième restauration, et quels moyens cette restauration a de s'encadrer dans le plan du changement social. Si elle n'y entrait pas comme un élément homogène, elle serait inévitablement rejetée d'un ordre de choses contraires à sa nature. Ainsi, madame, si je vous disais que la légitimité a des chances de revenir par l'aristocratie de la noblesse et du clergé, avec leurs privilèges, par la cour, avec ses distinctions, par la royauté, avec ses prestiges, je vous tromperai. La légitimité en France n'est plus un sentiment. Elle est un principe en tant qu'elle garantit les propriétés et les intérêts, les droits et les libertés. Mais s'il demeurait prouvé qu'elle ne veut pas défendre ou qu'elle est impuissante à protéger ses propriétés et ses intérêts, ses droits et ses libertés, elle cesserait même d'être un principe. Lorsqu'on avance que la légitimité arrivera forcément, qu'on ne saurait se passer d'elle, qu'il suffit d'attendre pour que la France à genoux vienne lui crier merci, on avance une erreur. La restauration peut ne reparaître jamais ou ne durer qu'un moment, si la légitimité cherche sa force là où elle n'est plus. Oui, madame, je le dis avec douleur, Henri V pourrait rester un prince étranger et banni. Jeune et nouvelle ruine d'un antique édifice déjà tombé, mais enfin une ruine. Nous autres vieux serviteurs de la légitimité, nous aurons bientôt dépensé le petit fonds d'années qui nous reste. Nous reposerons incessamment dans notre tombe, endormis avec nos vieilles idées, comme les anciens chevaliers avec leurs anciennes armures que la rouille et le temps ont rongées, armures qui ne se modèlent plus sur la taille et ne s'adaptent plus aux usages des vivants. Tout ce qui militait en 1789 pour le maintien de l'ancien régime, religion, loi, mœurs, usages, propriété, classe, privilèges, corporation, n'existe plus. Une fermentation générale se manifeste. L'Europe n'est guère plus en sûreté que nous. Nulle société n'est entièrement détruite, nulle entièrement fondée. Tout y est usé ou neuf, ou décrépit, ou sans racine. Tout y a la faiblesse de la vieillesse ou de l'enfance. Les royaumes sortis des circonscriptions territoriales, tracés par les derniers traités, sont d'hier. L'attachement à la patrie a perdu sa force, parce que la patrie est incertaine et fugitive pour des populations vendues à la criée, brocantées comme des meubles d'occasion, tantôt adjointes à des populations ennemies, tantôt livrées à des maîtres inconnus. Défoncées, sillonnées, labourées, le sol est ainsi préparé à recevoir la semence démocratique que les journées de juillet ont mûrie. Les rois croient qu'en faisant sentinelle autour de leur trône, ils arrêteront les mouvements de l'intelligence. Ils s'imaginent qu'en donnant le signalement des principes, ils les feront saisir aux frontières. Ils se persuadent qu'en multipliant les douanes, les gendarmes, les espions de police, les commissions militaires, ils les empêcheront de circuler. Mais ces idées ne cheminent pas à pied. Elles sont dans l'air, elles volent, on les respire. Les gouvernements absolus qui établissent des télégraphes, des chemins de fer, des bateaux à vapeur, et qui veulent en même temps retenir les esprits au niveau des dogmes politiques du XIVe siècle, sont inconséquents. À la fois progressifs et rétrogrades, ils se perdent dans la confusion résultante d'une théorie et d'une pratique contradictoires. On ne peut séparer le principe industriel du principe de la liberté. Force est de les étouffer tous les deux ou de les admettre l'un et l'autre. Partout où la langue française est entendue, les idées arrivent avec les passeports du siècle. Vous voyez, madame, combien le point de départ est essentiel à bien choisir. L'enfant de l'espérance sous votre garde, l'innocence réfugiée sous vos vertus et vos malheurs, comme sous un dais royal, je ne connais pas de plus imposant spectacle. S'il y a une chance de succès pour la légitimité, elle est là tout entière. La France future pourra s'incliner sans descendre devant la gloire de son passé, s'arrêter tout ému devant cette grande apparition de son histoire, représentée par la fille de Louis XVI, conduisant par la main le dernier des Henri. Reine protectrice du jeune prince, vous exercerez sur la nation l'influence des immenses souvenirs qui se confondent dans votre personne auguste. Qui ne se sentira renaître une confiance inaccoutumée lorsque l'orpheline du temple veillera à l'éducation de l'orphelin de Saint-Louis? Il est à désirer, madame, que cette éducation dirigée par des hommes dont les noms soient populaires en France devienne publique dans un certain degré. Louis XIV, qui justifie d'ailleurs l'orgueil de sa devise, a fait un grand mal à sa race en isolant les fils de France dans les barrières d'une éducation orientale. Le jeune prince n'a paru doué d'une vive intelligence. Il devra achever ses études par des voyages chez les peuples de l'ancien et même du nouveau continent pour connaître la politique et ne s'effrayer ni des institutions ni des doctrines. S'il peut servir comme soldat dans quelques guerres lointaines et étrangères, on ne doit pas craindre de l'exposer. Il a l'air résolu. Il semble avoir au cœur du sang de son père et de sa mère. Mais s'il pouvait jamais éprouver autre chose que le sentiment de la gloire dans le péril, qu'il abdique, sans le courage en France, point de couronne. En me voyant, madame, étendre dans un long avenir la pensée de l'éducation de Henri V, vous supposerez naturellement que je ne le crois pas destiné à remonter de sitôt sur le trône. Je vais essayer de déduire avec impartialité les raisons opposées d'espérance et de crainte. La restauration peut avoir lieu aujourd'hui, demain. Je ne sais quoi de si brusque, de si inconstant, se fait remarquer dans le caractère français qu'un changement est toujours probable. il y a toujours 100 contre 1 à parier en France qu'une chose quelconque ne durera pas. C'est à l'instant que le gouvernement paraît le mieux assis, qu'il s'écroule. Nous avons vu la nation adorer et détester Bonaparte, l'abandonner, le reprendre, l'abandonner encore, l'oublier dans son exil, lui dresser des autels après sa mort, puis retomber de son enthousiasme. Cette nation volage, qui n'aima jamais la liberté que par boutade, mais qui est constamment affolée d'égalité, cette nation multiforme fut fanatique sous Henri IV, factieuse sous Louis XIII, grave sous Louis XIV, révolutionnaire sous Louis XVI, sombre sous la République, guerrière sous Bonaparte, constitutionnelle sous la Restauration. Elle prostitue aujourd'hui ses libertés à la monarchie dite républicaine, variant perpétuellement de nature selon l'esprit de ses guides. Sa mobilité s'est augmentée depuis qu'elle s'est affranchie des habitudes du foyer et du joug de la religion. Ainsi donc, un hasard peut amener la chute du gouvernement du 9 août. Mais un hasard peut se faire attendre. Un avorton nous est né. Mais la France est une mère robuste. Elle peut, par le lait de son sein, corriger les vices d'une paternité dépravée. Quoique la royauté actuelle ne semble pas viable, je crains toujours qu'elle ne vive au-delà du terme qu'on pourrait lui assigner. Depuis 40 ans, tous les gouvernements n'ont péri en France que par leur faute. Louis XVI a pu 20 fois sauver sa couronne et sa vie. La République n'a succombé qu'à l'excès de ses fureurs. Bonaparte pouvait établir sa dynastie et il s'est jeté en bas du haut de sa gloire. Sans les ordonnances de juillet, le trône légitime serait encore debout. Le chef du gouvernement actuel ne commettra aucune de ses fautes qui tuent. Son pouvoir ne sera jamais suicidé. Toute son habileté est exclusivement employée à sa conservation. Il est trop intelligent pour mourir d'une sottise. Il n'a pas en lui de quoi se rendre coupable des méprises du génie ou des faiblesses de l'honneur et de la vertu. Il a senti qu'il pourrait périr par la guerre. Il ne fera pas la guerre. Que la France soit dégradée dans l'esprit des étrangers, peu lui importe. Des publicistes prouveront que la honte est de l'industrie et l'ignominie du crédit. La quasi-légitimité veut tout ce que veut la légitimité à la personne royale près. Elle veut l'ordre, elle peut l'obtenir par l'arbitraire mieux que la légitimité. Faire du despotisme avec des paroles de liberté et de prétendues institutions royalistes, c'est tout ce qu'elle veut. Chaque fait accompli enfante un droit récent qui combat un ancien droit. Chaque heure commence une légitimité. Le temps a deux pouvoirs. D'une main il renverse, de l'autre il édifie. Enfin, le temps agit sur les esprits par cela seul qu'il marche. On se sépare violemment du pouvoir, on l'attaque, on le boude, puis la lassitude survient. Le succès réconcilie à sa cause. Bientôt il ne reste plus en dehors que quelques âmes élevées dont la persévérance met mal à l'aise ceux qui ont failli. Madame, ce long exposé m'oblige à quelques explications devant votre Altesse royale. Si je n'avais fait entendre une voix libre au jour de la fortune, je ne me serais pas senti le courage de dire la vérité au temps du malheur. Je ne suis point allé à Prague de mon propre mouvement. Je n'aurais pas osé vous importuner de ma présence. Les dangers du dévouement ne sont point auprès de votre auguste personne. Ils sont en France. C'est là que je les ai cherchés. Depuis les journées de juillet, je n'ai cessé de combattre pour la cause légitime. Le premier, j'ai osé proclamer la royauté de Henri V. Un jury français, en m'acquittant, a laissé subsister ma proclamation. Je n'aspire qu'au repos aux besoins de mes années. Cependant, je n'ai pas hésité à le sacrifier lorsque des décrets ont étendu et renouvelé la proscription de la famille royale. Des offres m'ont été faites pour m'attacher au gouvernement de Louis-Philippe. Je n'avais pas mérité cette bienveillance. J'ai montré ce qu'elle avait d'incompatible avec ma nature en réclamant ce qui pouvait me revenir des adversités de mon vieux roi. Hélas, ces adversités, je ne les avais pas causées, et j'avais essayé de les prévenir. Je ne remémore point ces circonstances pour me donner une importance et me créer un mérite que je n'ai pas. Je n'ai fait que mon devoir. Je m'explique seulement afin d'excuser l'indépendance de mon langage. Madame pardonnera à la franchise d'un homme qui accepterait avec joie un échafaud pour lui rendre un trône. Quand j'ai paru devant votre majesté à Carlsbad, je puis dire que je n'avais pas le bonheur d'en être connu. À peine m'avait-elle fait l'honneur de m'adresser quelques mots dans ma vie. Elle a pu voir dans les conversations de la solitude que je n'étais pas l'homme qu'on lui avait peut-être dépeint, que l'indépendance de mon esprit n'ôtait rien à la modération de mon caractère, et surtout ne brisait pas les chaînes de mon admiration et de mon respect pour l'illustre fille de mes rois. Je supplie encore votre majesté de considérer que l'ordre des vérités développé dans cette lettre, ou plutôt dans ce mémoire, est ce qui fait ma force, si j'en ai une. C'est par là que je touche à des hommes de divers partis et que je les ramène à la cause royaliste. Si j'avais répudié les opinions du siècle, je n'aurais eu aucune prise sur mon temps. Je cherche à rallier auprès du trône antique ces idées modernes qui, d'adverses qu'elles sont, deviennent amies en passant à travers ma fidélité. Les opinions libérales qui affluent n'étant plus détournées au profit de la monarchie légitime reconstruite, l'Europe monarchique périrait. Le combat est à mort entre les deux principes monarchiques et républicains, s'ils restent distincts et séparés. La consécration d'un édifice unique, rebâti avec les matériaux divers de deux édifices, vous appartiendrait à vous, madame, qui avez été admise à la plus haute comme à la plus mystérieuse des initiations. Le malheur non mérité, à vous qui êtes marqué à l'autel du sang des victimes sans tache, à vous qui, dans le recueillement d'une sainte austérité, ouvririez avec une main pure et bénie les portes du nouveau temple. Vos lumières, madame, et votre raison supérieure éclaireront et rectifieront ce qu'il peut y avoir de douteux et d'erroné dans mes sentiments touchant l'état présent de la France. Mon émotion, en terminant cette lettre, passe ce que je puis dire. Le palais des souverains de Bohême est donc le Louvre de Charles X et de son pieux et royal fils. Hatchin est donc le château de Pau du jeune Henri. Et vous, madame, quel Versailles habitez-vous? À quoi comparez votre religion, vos grandeurs, vos souffrances, si ce n'est à celle des femmes de la maison de David, qui pleuraient au pied de la croix? Puisse votre majesté voir la royauté de Saint-Louis sortir radieuse de la tombe? Puissais-je m'écrier en rappelant le siècle qui porte le nom de votre glorieux aïeul? Car, madame, rien ne vous va, rien ne vous est contemporain que le grand et le sacré. Ô jour heureux pour moi, de quelle ardeur j'irai reconnaître mon roi! Je suis, avec le plus profond respect, madame, de votre majesté, le très humble et très obéissant serviteur, Chateaubriand. Après avoir écrit cette lettre, je rentrais dans les habitudes de ma vie, je retrouvais mes vieux prêtres, le coin solitaire de mon jardin, qui me parut bien plus beau que le jardin du comte de Chautec, mon boulevard d'enfer, mon cimetière de l'Ouest, mes mémoires amanteurs de mes jours passés, et surtout la petite société choisie de l'abbaye au bois. La bienveillance d'une amitié sérieuse fait abonder les pensées. Quelques instants du commerce de l'âme suffisent aux besoins de ma nature. Je répare ensuite cette dépense d'intelligence par 22 heures de rien faire et de sommeil. Paris, rue d'Enfer, 25 août 1833. Tandis que je commençais à respirer, je vis entrer un matin chez moi le voyageur qui avait remis un paquet de ma part à Madame la Duchesse de Berry, à Palerme. Il m'apportait cette réponse de la princesse. Naples, 10 août 1833. Je vous ai écrit un mot, monsieur le vicomte, pour vous accuser la réception de votre lettre, voulant une occasion sûre pour vous parler de ma reconnaissance de ce que vous avez vu et fait à Prague. Il me paraît que l'on vous a un peu laissé voir, mais assez cependant pour juger que malgré les moyens employés, le résultat en ce qui regarde notre cher enfant n'est pas tel qu'on pouvait le craindre. Je suis bien aise d'en avoir de vous l'assurance, mais on mande de Paris que M. de Barande est éloigné. Que cela va-t-il devenir ? Combien il me tarde d'être à mon poste ? Quant aux demandes que je vous ai prié de faire et qui n'ont pas été parfaitement accueillies, on a prouvé par là que l'on n'était pas mieux informé que moi, car je n'avais nul besoin de ce que je demandais, n'ayant en rien perdu mes droits. Je vais vous demander vos conseils pour répondre aux sollicitations qui me sont faites de toutes parts. Vous ferez de ce qui suit l'usage que dans votre sagesse vous jugerez convenable. La France royaliste, les personnes dévouées à Henri V, attendent de sa mère, libre enfin, une proclamation. J'ai laissé à Blaye quelques lignes qui doivent être connues aujourd'hui. On espère plus de moi. On veut savoir la triste histoire de ma détention pendant 7 mois, dans cette impénétrable Bastille. Il faut qu'elle soit connue dans ses plus grands détails, qu'on y voie la cause de tant de larmes et de chagrins qui ont brisé mon cœur. On y apprendra les tortures morales que j'ai dû souffrir. Justice doit y être rendue à qui il appartient. Mais aussi il y faudra dévoiler les atroces mesures prises contre une femme sans défense, puisqu'on lui a toujours refusé un conseil par un gouvernement à la tête duquel est son parent, pour m'arracher un secret qui, dans tous les cas, ne pouvait concerner la politique, et dont la découverte ne devait pas changer ma situation si j'étais à craindre pour le gouvernement français qui avait le pouvoir de me garder, mais non le droit, sans un jugement, que j'ai plus d'une fois réclamé. Mais mon parent, mari de ma tante, chef d'une famille à laquelle, en dépit d'une opinion si généralement et si justement répandue contre elle, j'avais bien voulu faire espérer la main de ma fille, Louis-Philippe, enfin, me croyant enceinte et non mariée, ce qui eût décidé toute autre famille à m'ouvrir les portes de ma prison, m'a fait infliger toutes les tortures morales pour me forcer à des démarches par lesquelles il a cru pouvoir établir le déshonneur de sa nièce. Du reste, s'il faut m'expliquer d'une manière positive sur mes déclarations et ce qui les a motivées, sans entrer dans aucun détail sur mon intérieur dont je ne dois compte à personne, je dirai avec toute vérité qu'elles m'ont été arrachées par les vexations, les tortures morales et l'espoir de recouvrer ma liberté. Le porteur vous donnera des détails et vous parlera de l'incertitude forcée sur le moment de mon voyage et sa direction, ce qui s'est opposé au désir que j'avais de profiter de votre offre obligeante en vous engageant à me joindre avant d'arriver à Prague, ayant bien besoin de vos conseils. Aujourd'hui, il serait trop tard, voulant arriver près de mes enfants le plus tôt possible. Mais comme rien n'est sûr dans ce monde et que je suis accoutumé aux contrariétés et si, contre ma volonté, mon arrivée à Prague était retardée, je compte bien sur vous à l'endroit où je serai obligé de m'arrêter, d'où je vous écrirai. Si au contraire, j'arrive près de mon fils aussitôt que je le désire, vous savez mieux que moi si vous y devez venir. Je ne puis que vous assurer du plaisir que j'aurai à vous voir en tout temps et en tout lieu. Marie-Caroline. Naples, 18 août 1833. Notre ami n'ayant pu encore partir, je reçois des rapports sur ce qui se passe à Prague, qui ne sont pas de nature à diminuer mon désir de m'y rendre, mais aussi me rendent plus urgent le besoin de vos conseils. Si donc vous pouvez vous rendre à Venise sans tarder, vous m'y trouverez, ou des lettres post-restantes qui vous diront où vous pouvez me rejoindre. Je ferai encore une partie du voyage avec des personnes pour lesquelles j'ai bien de l'amitié et de la reconnaissance, monsieur et madame de Beaufremont. Nous parlons souvent de vous. Leur dévouement à moi et à notre Henri leur fait bien souhaiter de vous voir arriver. Monsieur de Mesnard partage bien ce désir. Madame de Berry rappelle dans sa lettre un petit manifeste publié à sa sortie de Blaye et qui ne valait pas grand-chose parce qu'il ne disait ni oui ni non. La lettre, d'ailleurs, est curieuse comme document historique en révélant les sentiments de la princesse à l'égard de ses parents geôliers et en indiquant les souffrances endurées par elle. Les réflexions de Marie-Caroline sont justes. Elle les exprime avec animation et fierté. On aime encore à voir cette mère courageuse et dévouée, enchaînée ou libre, constamment préoccupée des intérêts de son fils. Là, du moins, dans ce cœur, est de la jeunesse et de la vie. Il m'en coûtait de recommencer un long voyage, mais j'étais trop touchée de la confiance de cette pauvre princesse pour me refuser à ses vœux et la laisser sur les grands chemins. Monsieur Jauge accourut au secours de ma misère comme la première fois. Je me remis en campagne avec une douzaine de volumes éparpillés autour de moi. Or, pendant que je pérégrinais de rechef dans la calèche du prince de Bénévent, il mangeait à Londres au râtelier de son cinquième maître, en expectative de l'accident qu'il enverra peut-être dormir à Westminster, parmi les saints, les rois et les sages, sépulture justement acquise à sa religion, sa fidélité et ses vertus. Fin de la section 14.